Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Je préfère la danse, mon loisir c'est la danse. Et quoi exactement comme type de danse? R&B, le boogie, le hip-hop et la pop. En quoi ça consiste vraiment le R&B? R&B, tu peux danser... Non mais pose une autre question. Et le hip-hop? Le hip-hop c'est une danse où on peut bouger et c'est là où il faut danser plus vite, il y a plus de technique. Et qu'est-ce qui vous a fait aimer le hip-hop? Alors le hip-hop c'est une danse que j'ai aimée car c'est une danse, comme je l'ai dit, ça bouge, il faut que tu sois dans le rythme. Il faut que tu sautes, etc. Il y a plein de choses en fait. Et vous pratiquez beaucoup de hip-hop? Un petit peu, oui. Je pratique vraiment beaucoup. Dans... Quelle musique de hip-hop aimez-vous? Quelle musique? Plutôt le rap. Le rap anglais. Et de qui exactement? Exemple, Nicki Minaj. Plusieurs types. Voilà. Quand vous écoutez des musiques comme ça? Alors, depuis que je suis petite, on va dire environ 8 ans comme ça. Depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, c'est grâce à ma cousine que j'ai appris à aimer le hip-hop. Et votre cousine, elle pratique avec vous ou vous pratiquez seule? Non, en fait, elle ne pratique pas. C'est elle qui m'a montré sur YouTube une danse qu'elle a autant aimée. Donc, elle m'a proposé mon avis et j'ai adoré. Donc, j'ai enregistré cette musique, la vidéo... Puis après, je l'ai pratiquée, je l'ai fait toute seule. Et comment elle s'appelait cette vidéo? En fait, comme j'ai dit, c'est une chanson de Nicki Minaj avec Eminem, Romance, c'est en anglais, d'accord, je ne sais pas bien parler, mais bon, en fait, c'est la danse d'une chorégraphe qui s'appelle Stéphanie.